السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Parmi ceux qui aident le serviteur et le jeûneur à prendre ses provisions pour son acheminement vers son Seigneur, il y a le fait de connaître les mérites du jeûne. Une question légitime: qu'ai-je à gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant le mois de Ramadan? En plus du fait de m'être soumis à son ordre, en plus du fait de lui avoir obéi, en plus du fait d'avoir été un serviteur soumis, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mentionnées dans le Coran et la Sunna traitant des mérites du jeûne? Voici notre sujet. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le jeûne, et particulièrement celui du mois de Ramadan, renferme d'énormes trésors et d'énormes bienfaits. Ils sont indénombrables auprès de nous, incommensurables. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, bi mannihi wa karamihi, de nous accorder ces bienfaits, de nous permettre de les connaître, de vivre avec, afin de tirer pleinement profit de cette science dans le mois de Ramadan, tout particulièrement et par la suite. Tout comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance, afin qu'il nous permette de retenir ces textes et d'en faire profiter la communauté. Parmi les bienfaits du jeûne, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait encouragé la communauté au jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'encourage vers ce qu'il y a de bon, afin que vers ce qu'il y a de meilleur. Ainsi, Ubadat ibn Samit radiallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti sur sa monture. Et il y avait ses compagnons devant lui. C'est alors que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu a dit: Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, me permets-tu d'avancer avec toi? Me permets-tu d'avancer avec toi? Il lui a dit oui. Ainsi, il s'est rapproché et a fait la route avec lui. Par la suite, Mu'adh radiallahu anhu lui a dit: Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Ubi abi anta ya Rasulallah, je donnerai mon père en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Vois-tu, si, il lui a dit une expression qui signifie, si tu décèdes, si tu pars avant moi, quelle est la chose que tu me recommandes après toi? Quelle action faire après toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu un temps. Puis, plus loin dans le hadith, il lui a dit: Na'am, ash-shay as-siyam wa sadaqa. Ce que je te recommande après moi, ce que les gens pourront supporter, c'est le jeûne et l'aumône. Le jeûne et l'aumône. Ainsi, Mu'adh radiallahu anhu a transmis par la suite cette information. Lorsqu'il a voulu plus que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré sa bouche et a dit: As-samt illa min khayr. Le fait d'observer le silence, si ce n'est pour un bien. Allahu Akbar. Le fait d'observer le silence a été considéré par un des plus grands biens, une des plus grandes actions par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh s'est étonné et lui a dit: Mais allons-nous être saisis de par ce que nos langues disent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tapé sur la cuisse. Puis il lui a dit: Ya Mu'adh, thakilat ka ummuk, Mu'adh, que ta mère te perde. Et est-ce que les gens vont tomber sur leur visage ou leur toupet en enfer, si ce n'est à cause de ce que leurs langues auront tamassé? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise devant un mal. Dites du bien, vous obtiendrez le butin. Et taisez-vous devant un mal, vous obtiendrez le salut. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Hakim rahimahullah et authentifié par Shir Muqbil rahimahullahu ta'ala dans Sahih al-Musnad. Donc on voit ici la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam à Mu'adh et à sa communauté après lui. Le jeûne et as-sadaqa. Le jeûne et as-sadaqa. Voici deux grandes actions accessibles aux gens. Accessibles aux gens. Wabillahi at-tawfiq. Deuxièmement, parmi les mérites de cette adoration, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'as-siyam la mithlala. Le jeûne n'a pas de semblable parmi les actions. Abu Umama ibn Ajlan radiyallahu anhu nous dit ansha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghazwatan fa ataytu fa qultu ya rasulullah ud'u Allah li bi shahada qala allahumma sallimhum wa ghannimhum qala fa salimna wa ghanimna. حصل هذا مرتين. Ce sahabi a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est engagé dans l'armée. Puis a dit au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, invoque Allah afin qu'il m'accorde le martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, accorde-leur le salut et le butin. Le compagnon dit, nous avons obtenu le salut et le butin. Dans une seconde expédition, je fis de même, il me répondit pareillement. Dans une troisième expédition, je me rendis auprès de lui. Fakultu ya Rasulallah, inni ataytu ka marratayn qabla marrati hadi. Fasaltu kan tad'u Allah li bi shahada, fad'awt Allah azza wa jal, ay yusallimana wa ay yughannimana. فَسَلَّمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ وَغَنِّمْهُمْ قَالَ فَسَلِّمْنَا وَغَنِمْنَا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. Ce compagnon a demandé à plusieurs reprises la même chose au prophète عليه الصلاة والسلام qui lui répondait toujours la même chose. À la troisième fois ou à la quatrième fois, il a dit au messager d'Allah, ordonne-moi une bonne action. Il lui a dit, jeûne, prends soin de jeûner, il n'y a pas d'égal à cela. Prends soin de jeûner, il n'y a pas d'égal à cela. Écoutez la suite. Fama ru'iya Abu Umama. فما رؤيا أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. الله أكبر. Il est rapporté que par la suite, ni Abu Umama, ni son épouse, ni le servant n'ont été vus si ce n'est en état de jeûne. الله أكبر. Comment est-ce qu'il met en pratique les conseils du prophète عليه الصلاة والسلام? Même dans les choses recommandées. Ne demandez pas est-ce que c'est obligatoire, recommandé, est-ce que, non. Ils voyaient leur paradis dans cela, l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par la suite, ni Abu Umama, ni son épouse, ni le servant n'étaient vus si ce n'est en état de jeûne. Allahu Akbar. Fakana idha ru'iya fi darihim dukhana. دخان بالنهار قيلع تراهم ضيف نزل بهم نازل. الله أكبر. Par la suite, lorsqu'on voyait dans leur maison de la fumée, la journée, on disait un voyageur a fait halte chez eux, ou ils ont un invité. Un voyageur a fait halte chez eux où ils ont un invité. Un invité ou un visiteur. قَالَ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَيْتُ. Abu Umama dit qu'il a observé cette adoration le temps qu'Allah a voulu, puis il est parti trouver à nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقلت يا رسول الله أمرتني بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه. Au message d'Allah, tu nous as ordonné le jeûne. Et j'espère qu'Allah a certes béni en cela. Ya Rasulallah, famurni bi'amalin akhar. Il lui a dit, ô messager d'Allah, ordonne-moi une autre action. Allahu Akbar. Qala a'lam annaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu laka biha daraja wa hatta 'anka biha khati'a. Akhrajahu Ahmad. والنسائي وقال شيخ مقبل صحيح. Le compagnon a dit au messager d'Allah, tu m'as ordonné le jeûne et j'espère qu'Allah a béni pour moi cette action. Au messager d'Allah, ordonne-moi une autre action. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu ne te prosterneras pas pour Allah, une prosternation, sans que par celle-ci il t'élève d'un degré et enlève de toi un péché. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il lui ordonne? Qu'est-ce qu'il lui recommande ici? De beaucoup prier, d'actes de prière recommandées. De prier la nuit, de prier le jour, de prier sunnatul fajr, de prier ad-duha, de prier dans la matinée, de prier après l'adhan du zahr, 2 ou 4 rak'at, de prier après la prière du zahr, 2 rak'at ou plus, de prier après l'adhan du asr, 2 rak'at. On ne prie pas après l'asr. De prier après l'adhan du maghrib, 2 rak'at. Ou 2 rak'at. Naam. Rak'atan. De prier après le maghrib. De prier après l'isha. De prier dans la nuit. Ô toi, cher auditeur, écoute cela. Chaque prosternation que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, Allah t'élève en degré et t'efface en péché. Falhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voyons comment la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une baraka et une sunna. On demande à Allah azza wa jal qu'il élargisse nos poitrines pour accepter ses enseignements prophétiques et bénis afin qu'on puisse les mettre en pratique. On voit donc à travers ce hadith que le jeûne n'a pas d'égal, c'est-à-dire dans la multitude de hasanat, malgré la facilité de l'action. Malgré la facilité de l'action. Parmi les mada, yani les enseignements que certains savants ont même tirés de ce hadith, à l'image du grand savant Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, Ibn Abd al-Barr, sachez qu'il avait comme avis que la meilleure adoration, c'est siyam. La meilleure adoration est siyam. Et il disait, ça te suffit de savoir que c'est un rempart contre le feu de l'enfer. Mais en réalité, la plupart des savants disent qu'après Shahadatan, et c'est l'avis prépondérant, c'est la salat. C'est la salat qui est meilleure, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Ya Rasulallah, ayyul amali afdal, ou ahabu ilallah. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala waqtiha. Le Prophète a répondu, la prière en son temps. La prière en son temps. Barakallahu fikum. Le troisième bienfait qu'on se rappelle ici, c'est que le jeûne a pour conséquence la piété. Le jeûne a pour conséquence la piété. Et c'est le but à atteindre. Dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Allah Azza wa Jal ici nous parle, nous les croyants, ô vous qui avez cru. Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba alalladhina min qablikum. Tout comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. La'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la piété. Donc le jeûne, parmi ses bienfaits, c'est que ça amène le serviteur à devenir pieux. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir pieux? Ça veut dire qu'il fait ce qu'Allah lui ordonne, en espérant sa récompense. Il délaisse ce qu'Allah lui a interdit, en redoutant sa punition. Il observe la droiture, le chemin droit, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En état de jeûne, il fait attention à sa langue, il fait attention à ses membres, il fait attention à son comportement, il fait attention à ne pas entacher la pureté de son jeûne. Comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque l'un d'entre vous jeûne, et à nous plutôt, Allah n'a que faire du jeûne, ou plutôt, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. Prophète sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères, les mauvaises actions et les transgressions, Allah n'a que faire de son jeûne. Donc le jeûne amène la piété. Le jeûne amène la piété. Parmi les bienfaits du jeûne, le jeûne amène à ressentir la surveillance d'Allah sur nous. Car le jeûneur prend l'habitude de délaisser le péché et de faire ce qu'Allah veut de lui, bien qu'il n'ait vu de personne. Il pouvait se cacher et rompre son jeûne. Non, il sent qu'Allah le voit, il sent qu'Allah le surveille. Et ça, c'est un grand bienfait du jeûne, c'est que ça amène à la véracité dans l'adoration. Ça amène à ce qu'on appelle al-muraqaba. Ça amène aussi la sincérité. Parce qu'il n'est vu de personne, il ne fait que pour Allah Azza wa Jal. Il peut rompre son jeûne et personne ne le saura. Mais il le fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Passons au quatrième texte. Ou au cinquième bienfait, c'est que le jeûne coupe les envies et les désirs et aide le serviteur à patienter face au célibat sans tomber dans le péché. Sans tomber dans le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati'a fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'a. » Ô vous les jeunes, celui qui a la capacité, qu'il se marie. Et celui qui n'a pas la capacité, qu'il observe le jeûne. Cela sera pour lui un bouclier. L'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala a expliqué que signifiait ici la capacité. Al-ba'a. Al-ba'a. Que signifiait Al-ba'a. Puis il a mentionné les différents avis, particulièrement deux. Il a dit, c'est celui qui a la capacité d'avoir des rapports avec la femme. C'est celui qui a la capacité d'avoir des rapports avec la femme. Et d'autres ont dit les moyens. D'autres ont dit les moyens. On va dire de manière générale financière, même si ça englobe plus que cela. Donc on nous dit ici que le jeûne sera pour lui wija'un. Wija'un. C'est-à-dire que ça va couper ses désirs. Ça va couper ses désirs. Ça va l'aider à se retenir face à la tentation. Ça va l'aider à patienter jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui facilite le mariage. Et parmi les invocations, le fait de chercher protection auprès d'Allah, min sharri mani, contre le mal et l'effet nocif du liquide de l'homme. Du liquide de l'homme. Donc ici, on voit un des bienfaits du jeûne, c'est que ça préserve le serviteur du désir fort lorsqu'il n'arrive pas à l'assouvir dans le licite, dans le mariage. Car lorsque le serviteur jeûne, ça diminue le flux sanguin et l'espace. Ainsi, le shaitan ne peut pas le tenter en circulant dans ses veines comme il pouvait le faire auparavant. Et plus la personne mange et boit, plus elle a des désirs. Plus elle a des désirs. Et celui qui médite sur les textes du Coran, sur les versets du Coran, verra que lorsqu'Allah Azzawajal mentionne les femmes, il les mentionne après la nourriture et la boisson. Après la nourriture et la boisson dans certains versets du Coran. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, commente cela dans son explication de certains versets de, ou bien certains hadiths de Sahih al-Bukhari. Il dit que le jeûne coupe les tentations ou les désirs de deux points de vue, ou de deux manières. Min wajhin dini wa min wajhin tabi'i. D'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue, ce qu'on appelle naturel. Yani, observer. Du point de vue religieux, parce que la personne, lorsqu'elle jeûne, en général, elle s'attache à dhikrullah, elle fait du dhikr, elle lit le Coran, elle fait la prière. Et tout cela le distrait du mariage et des femmes. Deuxièmement, d'un autre point de vue, c'est que le corps, s'il est moins alimenté, abreuvé, ça le repousse en général des tentations. Ça le repousse en général des tentations et il est plus apaisé. Le sixièmement, parmi les mérites du jeûne, les énormes récompenses qu'Allah Azzawajal accordera au jeûneur. Nul ne peut les dénombrer si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala, l'alim. Abu Huraira, radiallahu anhu, nous dit le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc c'est un hadith à thème divin. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, fa innahu li, wa ana ajzi bihi. Tout les actes du fils de Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Sauf le jeûne. De quel jeûne s'agit-il? Al-Hafidh ibn Hajar dans le Fath nous dit: ittafaqu ala anna al-murada bis-siyam huna siyam man salima siyamuhu min ma'asi qawlan wa fi'lan. On parle ici du vrai jeûne, du jeûne qu'Allah veut, du jeûne dans lequel il y a le délaissement des péchés. Des mauvaises actions, des mauvaises paroles. Toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai. C'est moi qui le rétribuerai. Ici, que signifie, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai. Dans une autre version du hadith, كل حسنة عملها ابن آدم جزيت بها عشر حسنات إلى سبعة مئة ضعف إلى سبع مئة ضعف. Toute action que fait le fils de Adam, je le rétribue avec 10 fois son équivalent, jusqu'à 700 fois. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Les savants ont divergé quant à l'explication du hadith. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Ils ont mentionné une dizaine de paroles. Parmi les plus fortes, le fait de dire que l'ostentation n'a pas de place en général dans le jeûne. Quand les gens tombent, c'est après. Ils vont en parler ou autre. Mais pendant l'action, non. Le jeûne, celui qui jeûne ne tombe pas dans l'ostentation dans cette adoration, contrairement à ce qui peut lui arriver dans les autres adorations. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit: les actions sont sujettes à l'ostentation. Quant au jeûne, on ne peut le voir. Et quand tu jeûnes, toi, on ne voit pas que tu jeûnes. Sauf Allah. Donc Allah l'a rattaché à lui. Il a dit: le jeûne, c'est pour moi. Et dans le hadith, yada'u shahwatahu min ajli, il délaisse son désir pour moi. Et d'autres savants encore ont parlé de cela. Donc le jeûne a cette particularité, c'est que seul Allah Azzawajal le voit. Donc en général, les gens ne tombent pas dans l'ostentation dans cette adoration. Une deuxième parole, c'est moi qui le rétribuerai. Il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. C'est-à-dire que le fils de Adam connaît en général les récompenses. Il fait l'action, il a les récompenses. On lui multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Mais pour le jeune, la récompense est cachée. Et en général, lorsqu'Allah Azzawajal nous cache, c'est que c'est énorme. Regardez, le paradis, il est caché. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ. On ne sait pas ce qu'Allah Azzawajal a réservé, on connaît quelques points. Mais il y a une partie du paradis, personne ne l'a jamais vu. Yani, si tu demandes à l'homme ou la femme la meilleure chose dans sa vie, il dira probablement « tel enfant que j'ai eu ». Yani, il était caché, le djanin, dans le ventre. Si Mada, le plus grand bienfait qu'on donnera aux gens du paradis, c'est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, sa noble face est cachée. Na'am, par al-hijab, le voile. Et la récompense du jeûneur est cachée. Le jeûneur, il s'efforce de faire ce qu'Allah lui a commandé. Le jeûneur s'efforce de délaisser ce qu'Allah lui a interdit. Le jeûneur supporte cette difficulté. Le jeûneur est donc un endurant. Le jeûneur est donc un endurant. Et la récompense de l'endurance, c'est quoi? Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Zumar, le verset 10, si je ne me trompe pas, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, nous rétribuerons les jeûneurs d'une récompense sans compter. Ibn Athaymin nous dit que ça prouve que la récompense est inestimable et très grande, parce qu'on ne l'a pas mentionné. As-sabiroun, parmi eux, les jeûneurs, sans aucun doute. Sans aucun doute. Pour finir sur l'explication de ce hadith, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans la Ta'if al-Ma'arif, nous a cité une belle subtilité. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, « Wa min ahsani ma qila fi dhalika ma qalahu Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. » Et parmi les meilleures paroles dites dans ce sujet-là, la parole de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. قال هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. Sufyan ibn Uyayna nous dit que ce hadith fait partie des meilleurs hadiths, ou des hadiths les plus bons. Il nous dit, lorsque le jour de la résurrection arrivera, Allah jugera son serviteur et prendra de lui pour restituer le droit de ce qu'il a opprimé. Si le serviteur a opprimé des gens, le jour de la résurrection, ces gens-là vont récupérer leur droit sur lui. Allah Azza wa Jal va établir la justice entre eux. Ils vont donc venir se servir de ses hasanat et prendre de ses œuvres. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala nous dit, et il ne lui restera que le jeûne, mais il y aura encore des injustices desquelles il devra s'acquitter. À partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre cela pour lui et empêcher qu'on lui prenne ses hasanats du jeûne, et c'est Allah qui va leur donner de lui-même leurs droits. Ensuite, il le fera entrer par le jeûne au paradis. Allahu Akbar. Donc, le sens serait que il n'y a pas de chemin permettant aux gens qui ont été opprimés de prendre les hasanats du jeûne du serviteur Yom Al-Qiyam. Contrairement aux autres œuvres. Contrairement aux autres œuvres. Donc le jeûne a vraiment une grande particularité. Le jeûne a vraiment une grande particularité. Parmi les mérites du jeûne, on est probablement au septième ou au sixième, le fait que les portes du paradis sont ouvertes dès la première nuit de Ramadan. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Abu Huraira radiallahu anhu dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت, dans une version, أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلات الشياطين. Lorsque le mois de Ramadan entre, les portes du ciel sont ouvertes. Dans une version, les portes du paradis. Les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Et les démons enchaînés. Ici, on voit un grand bienfait du mois de Ramadan. Les portes du paradis sont ouvertes parce que les gens agissent dans le bien, font beaucoup de bonnes actions. Les portes de l'enfer fermées parce que les gens s'éloignent des péchés, se repentent et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les démons enchaînés, ils ne peuvent nuire au fils de Adam et le pousser comme ils pouvaient le faire en dehors du mois de Ramadan. إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Comme l'ont rapporté le Bukhari et Muslim. Certains disent, mais moi dans le mois de Ramadan, ou un tel dans le mois de Ramadan, il fait quand même des péchés. Comment unir entre cela et cela? Premièrement, on n'a pas à unir entre la parole du Prophète sallam et la nôtre. On délaisse notre parole, on prend la parole du Prophète sallam. Mais comment la comprendre? Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel jeûne, il s'agit du jeûne fait comme Allah veut. Du jeûne fait avec science, du jeûne fait avec le délaissement des péchés, la retenue de la langue. Le jeûne fait en ayant parfait son jeûne, en ayant orné ce jeûne de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant parfumé ce jeûne avec le dhikr, avec l'istighfar, avec la lecture du Coran. Donc le jeûne fait avec ses conditions, avec ses piliers, ses obligations, avec ses comportements. Quant à celui qui ne préserve pas son jeûne, quant à celui qui ne préserve pas son jeûne, bien sûr qu'il succombera et il tombera. Deuxièmement, le fait qu'on nous dise que les shayatines sont enchaînées, ça n'entraîne pas forcément que l'ensemble des shayatines entièrement sont enchaînées. Et pour finir, il y a les shayatines parmi les humains, et il y a l'âme incitatrice au mal. L'âme incitatrice au mal. Et rappelez-vous le hadith, lorsque le compagnon montait la garde sur les aumônes de Sadaqa, et qu'un diable est venu, ou que Ash-Shaytan est venu, et que Ash-Shaytan est venu pour voler de la Sadaqa. Barakallahu fikum. Le septième ou le huitième bienfait du jeûne, le fait que ça soigne le cœur, ça soigne la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sarrahu an yudhiba kathirun min wahri sadrihi فليصوم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر. Celui qui aimerait qu'on dissipe le mal qu'il y a dans son cœur, qu'il jeûne Shahr al-Sabr, le mois de l'endurance, c'est-à-dire Ramadan, et 3 jours de chaque mois. 3 jours de chaque mois. Donc ici, tu vois parmi les bienfaits de Ramadan, le fait qu'on l'ait appelé Shahr al-Sabr, le mois de l'endurance. Et l'endurance, c'est aimer chez Allah, et l'endurance, c'est une récompense sans compter. Aussi, on nous dit 3 jours par mois. Tu ajoutes 3 jours par mois, n'importe lesquels. Le meilleur, c'est les jours blancs, les jours de pleine lune, mais sinon n'importe quel jour, 3 jours dans le mois. 3 jours dans le mois. Si tu jeûnes le vendredi, tu ne le jeûnes pas seul. Que signifie « wahara sadr » On a vu dans le hadith « min wahari sadri » Que signifie « wahara sadr » Dans « al-nihaya » On nous dit ça, son waswas, ses insufflations sataniques. On nous dit sa tricherie, sa trahison. Mais on nous dit aussi al-hiqd wal-ghayd. Tu veux enlever la haine de ton cœur. Tu veux enlever l'animosité qu'il y a dans ton cœur. Al-adawa, l'inimitié. Et shiddatul ghadab, la grande colère. Toutes ces choses-là, on peut les trouver dans notre cœur. On est en dispute avec un tel, on a des soupçons sur un tel, ou l'homme a un problème avec son épouse, ou l'épouse a un problème avec son époux, ainsi de suite. Il y a des troubles du cœur qui s'installent. Comment les dissiper? Comment rétablir la droiture, l'harmonie dans le foyer? Avec le jeûne de 3 jours. Avec le jeûne de 3 jours. Certains font des procès, des disputes, des années, ils se déchirent. Ils mettent à la poubelle le bonheur voulu par Allah Azza wa Jal chez eux dans le couple. Ici, voici un remède. Voici un remède. Le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne de 3 jours par mois. Que le présent transmette l'information à l'absent. Donc, ça enlève toutes ces choses du cœur. Les tentations, la haine, l'animosité, la grande colère et ainsi de suite. Certains sont colériques. Un moindre rien arrive à, comment dire, à détruire un foyer. Un moindre rien arrive à détruire une amitié d'une dizaine d'années. Un moindre rien arrive à le faire démissionner. Et ainsi de suite. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Ça, c'est un égarement, c'est un grand mal. Il se nuit à lui-même, il nuit à ses proches, à ceux qu'il aime. Et qu'il l'aime. Donc il faut soigner les excès de colère. Certains arrivent dans des états, on dirait, hystériques. Wal'iyadhu billah. Donc voici un grand bienfait du jeûne. Neuvièmement, le fait de jeûner et de prier font partie des caractéristiques des traits véridiques et amènent les gens au niveau des traits véridiques des martyrs. Amr ibn Murra, radiallahu anhu, nous dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, araita in shahidtu an la ilaha illallah, wa annaka Rasulullah, wa sallaytu salawat il khams, wa addaytu zakat, wa sumtu ramadan, wa kumtu, famimman ana, qala min as-siddiqin wa shuhada. Kharajahu ibn Hibban. Qala al-Albani rahimahullahu ta'ala sahih. Un homme a dit au message d'Allah, vois-tu si j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que tu es le message d'Allah, que je prie les 5 prières, et que je m'acquitte de la zakat, que je jeûne Ramadan et que je me lève. Probablement que je prie la nuit, Allahu A'lam, il faudrait chercher dans l'explication du hadith. De quel groupe ferais-je partie? De quel groupe ferais-je partie? Avec qui serais-je? Qala min as-siddiqin wa shuhada. Tu feras partie des très véridiques et des martyrs. Allahu Akbar. Donc celui qui jeûne Ramadan, la journée qui prie la nuit de Ramadan, fait partie de ceux qui ont cette énorme récompense. Ça nous encourage aux jeunes. Ça nous encourage à rechercher ces grandes récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Dans Surah An-Nisa: Et quiconque obéit à Allah et au messager, ces gens-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les gens pieux. Et quelle bonne compagnie que cela! Voici la grâce de la part d'Allah. Ou bien ceci, ou cette grâce émane d'Allah. Et Allah suffit comme connaisseur. Dixièmement, le jeûne fait partie des plus grandes causes d'expiation de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par Muslim selon Abu Huraira: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Les cinq prières, c'est-à-dire d'une prière à l'autre, d'un vendredi à l'autre, de Ramadan au Ramadan suivant, tout cela expie ce qu'il y a eu comme péché entre les deux. C'est-à-dire, quand tu pries le Fajr, arrive au Dhuhr, on t'efface les petits péchés entre les deux. Quand tu arrives au Asr, on t'efface les petits péchés après Dhuhr jusqu'au Asr, et ainsi de suite. Quand tu fais le Jumu'ah de la semaine suivante, on t'a effacé les péchés de la semaine. Quand tu jeûnes Ramadan, le Ramadan de l'année suivante, ou bien quand tu arrives à Ramadan, le Ramadan de l'année suivante, on t'efface les péchés de cette année-là, et ainsi de suite. Mais quelle est la condition à tout cela? Idha jtunibatil kaba'ir. Si il s'éloigne des grands péchés. Qu'est-ce que les grands péchés? Tout péché où il y a la mention, d'une punition, dans ce bas monde ou dans l'au-delà, d'un blâme spécifique, d'une punition spécifique dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Parmi les péchés les plus simplement commis, alors qu'ils font partie des grands péchés, la médisance. Le fait de dire sur ton frère ce que tu n'aurais pas aimé, ce qu'il n'aurait pas aimé entendre s'il avait été présent. Le vol, la trahison, le fait de rompre son jeûne sans excuse valable, le fait de prier la prière en dehors de son temps. Je ne parle même pas de ceux qui délaissent la prière, car Allah nous en préserve. Le fait de voler, le fait de rompre les liens de parenté, la désobéissance envers les parents, et ainsi de suite. Dans un autre hadith, من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous rapporte un hadith selon Abu Sa'id al-Khudri. J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui jeûne Ramadan en reconnaissant ses délimitations et en préservant ce qui mérite de l'être se verra pardonner ses péchés passés. Le 11e mois, le jeûne est une cause pour effacer les péchés, pour qu'Allah te pardonne, te couvre et te préserve des effets découlant du péché. Le prophète sallam un jour est monté sur le minbar, a dit Amin, Amin, Amin. Et on dit: Ya Rasulallah, lorsque tu es monté, tu as dit à trois reprises Amin. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: Jibril m'est venu et m'a dit: celui qui atteint Ramadan puis ne se voit pas pardonner ses péchés et entre en enfer, qu'Allah l'éloigne. J'ai dit Amin. Celui qui atteint ses parents, ou l'un des deux, il atteint ses parents, ou l'un des deux en vie, puis il n'est pas bienfaisant envers eux et entre en enfer, qu'Allah l'éloigne. J'ai dit Amin. Puis il dit: Mada, celui auprès de qui je suis mentionné, puis il ne prie pas sur moi, c'est-à-dire ne dit pas Allahumma salli ala Muhammad. puis meurt entre en enfer, qu'il soit éloigné, que Allah l'éloigne, qu'Allah l'éloigne. J'ai dit Amin. J'ai dit Amin. Douzièmement, celui qui jeûne Ramadan et prie la nuit se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Abu Huraira nous dit, comme le rapporte l'imam Bukhari et l'imam Muslim, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Celui qui prie Laylatul Qadr avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Donc, ici, on nous montre ce grand bienfait du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, des prières de nuit dans le mois de Ramadan. Et les péchés passés ici, ce sont les petits péchés. Pour que les grands péchés également soient pardonnés, il faut en repentir avec. Il faut en repentir avec. Un autre hadith, le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, il est auprès d'Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a dit « Ayyukum yahfadu hadith à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil fitna » Qui parmi vous mémorise les récits prophétiques sur les troubles ?« Kama qal »« Qala qultu ana » Hudhayfa, dis-moi. Hudhayfa radiallahu anhu a dit « Moi ». Puis il a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Fitnatu rajuli fi ahli wa malihi wa nafsi wa waladi wa jari yukaffiruha as-siyam wa as-salat wa as-sadaqa wa al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la tentation de l'homme dans sa famille, dans son argent, dans sa personne, dans ses enfants, dans ses voisins, tout cela est effacé par le jeûne, la prière, l'aumône, le fait de recommander le convenable et d'interdire le blâmable. قال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر. Ce n'est pas de cela que je parle, a dit Omar radiallahu anhu. Je parle de la fitna qui vient telle de grosses vagues. قال قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قلت لا بل يكسر. Juste pour augmenter nos connaissances, bien que le but du hadith soit passé, Omar al-Khattab a dit, donc je parle de la fitna qui vient telle de grosses vagues, celle qui détruit. J'ai répondu, donc Hudhayfa a dit, qu'as-tu à faire, yani, ne te vois pas concerné par cela, ô Amir al-Mu'minin, car il y a entre toi et cette fitna une porte fermée. Omar a dit, est-ce que cette porte sera cassée ou elle restera fermée? Yani, est-ce qu'elle sera cassée où elle sera ouverte? Je reprends. Afayuksaru al-babu am yuftah? Est-ce que la porte sera cassée ou elle sera ouverte? Qala qultu bal, qultu la bal yuksar. Je répondis non, mais plutôt cassée, elle sera cassée. Qala fadhalika ahra an la yughlaqa abadan. Ainsi, ça sera, il en sera ainsi afin qu'elle ne soit plus jamais refermée. Qala faqulna li Hudhayfa hal kana Omar ya'lamuha man al-bab? Nous dîmes à Hudhayfa, est-ce que Omar savait qui était cette porte? Qala na'am, il répondit oui. Kama ya'lamu anna duna غادٍ الليلة إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. Donc est-ce que Omar savait qui était cette porte? Hudayfa a dit oui. Il a dit oui. Nous avons, yani, de par la prestance de Hudayfa, yani, on a eu honte de lui demander. Par respect, on n'a pas osé lui demander. Fahibna an nas'ala Hudayfata man al-bab. فقلنا لمسروق سله نديم à مسروق رحمه الله demande lui فسأله فقال عمر أخرجه مسلم. Nous lui demandâmes, ou bien مسروق lui demandit, et il répondit c'est عمر cette porte. الله أكبر. Par la beauté du hadith, je n'ai pas voulu l'interrompre. Il y a beaucoup d'autres mérites sur le jeûne. Yani, comme on a mentionné dans certains hadiths, où on n'avait pas fini le hadith, wala khaluf ou fami sa'im atabu indallahi min rihil misk. L'odeur de l'haleine du jeûneur est plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du parfum. Pourquoi cela? Parce que c'est l'effet de l'adoration. Parce que c'est l'effet de l'adoration. Aussi, ça sera un des meilleurs compagnons dans la tombe du serviteur. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit Damata ibn Adam in qata amalu illa min thalath. Lorsque le fils de Adam décède, ses actions s'arrêtent sauf trois. Et le prophète sallallahu alayhi nous dit que yatba'u al-mayyit thalath wa yardi'u thnan. Il suit le mort trois choses et deux reviennent. Ce qui revient, sa famille et ses biens. Ce qui reste avec lui, ses actions. Et parmi ses actions, il y a le jeûne. Il y a le jeûne. Donc ça, c'est une des plus grandes provisions à prendre. C'est une des plus grandes provisions à prendre. Et l'odeur de l'haleine du jeûneur, le jour de la résurrection, sera plus bonne chez Allah que l'odeur du parfum, subhanallah. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, dans le hadith, ماذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. Parmi les bienfaits du jeûne, le prophète salam nous dit ensuite, للصائم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Le prophète sallam nous dit que le jeûneur a deux réjouissances, deux grands moments de joie. Lorsqu'il rompt le jeûne, il se réjouit, c'est-à-dire le jour du Eid, il se réjouit. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Regardez la situation comme elle est étonnante, subhanallah. Dans ce bas monde, pourquoi est-ce qu'il a la joie? Parce qu'il ne jeûne plus, parce qu'il peut retourner à la boisson, à la nourriture, à son épouse et ainsi de suite. La journée de Ramadan. Par contre, l'homme al-qiyam, lorsqu'il va voir la récompense d'Allah, l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah, et ainsi de suite, là il va être content d'avoir jeûné dans ce bas monde. Content d'avoir jeûné dans ce bas monde. Il y a aussi le hadith qui nous montre que le jeûne, ça doit être la 16e faïda, le jeûne va intercéder en faveur de celui qui le faisait dans ce bas-monde. Amr, ou bien Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'an il-abdi yawm al-qiyama. Yaqulu as-sawm, ay rab, mana'tu at-ta'am wa ash-shahawati bin-naha, fashaffi'ni fih. Le jeûne dira le jour dernier, ô Seigneur, je l'ai empêché devant la nourriture et devant ses désirs durant la journée. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et il intercédera. Pareillement pour le Coran, comme le rapporte Ibn Ahmed rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi les bienfaits du jeûne, le fait que ça éloigne le serviteur du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Ça éloigne le serviteur du feu de l'enfer. Écoutez ce hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله يعد الله وجهه أو عفوا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة quiconque jeûnera un jour pour la cause d'Allah, Allah éloignera son visage de l'enfer pour 70 automnes. C'est-à-dire 70 ans, rapporté par le Bukhari Muslim. Ibn Baz disait, il ne s'agit pas que du sentier d'Allah, c'est-à-dire le jour de combat. Mais, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, quiconque jeûne sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer pour 70 automnes. Pour 70 automnes. L'imam al-Qurtubi disait, c'est-à-dire 70 ans. 70 ans. Et fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, l'imam al-Qurtubi disait sabilullah ta'atullah wal muradu man sama qasidan wajh Allah. L'imam al-Qurtubi disait le chemin d'Allah c'est l'obéissance d'Allah. Et ce qui est voulu ici c'est celui qui va jeûner à la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jalla la sincérité dans notre jeûne pour nous et l'ensemble des musulmans afin d'obtenir cette grande récompense. Il y a encore beaucoup de choses. On peut ajouter qu'il y a une porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Les jeûneurs entreront par cette porte et personne d'autre ne pourra entrer par cette porte. On peut ajouter que c'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Le Prophète a dit le jeûne est un rempart, c'est-à-dire un rempart contre le feu de l'enfer, un rempart contre les péchés, et ainsi de suite. Il a également dit, comme dans le hadith de Othman ibn Abi al-As, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal miqital » Le jeûne est un rempart contre l'enfer, tout comme votre bouclier et votre rempart dans le combat. Dans le combat. Le jeûne est une cause pour être sauvé et affranchi du feu de l'enfer, comme on a vu, ou bien le mois de Ramadan, comme on a vu dans différents hadiths, et notamment le hadith d'Abu Umama, rendu Hassan par Cheikh Mukbir rahimahullah ta'ala, le Prophète a dit Na lillahi azza wa jal, inda kulli fitr, utaqa. Allah a chaque jour de jeûne, au moment de rompre le jeûne, des affranchis. Des affranchis. Ça, c'est un des plus grands bienfaits, subhanallah. Chaque jour, au moment du Maghrib, dis-toi, Allah affranchit des gens de l'enfer. On demande à Allah de nous joindre, nous, ainsi que nos proches et l'ensemble des croyants, au nombre de ceux-là. C'est une cause pour entrer au paradis. C'est une cause pour devancer même les gens au paradis. Et dans ce sens-là, il y a un hadith, yani subhanallah, vraiment extraordinaire. C'est que Mahadha, il y avait deux personnes, deux frères. Un était plus pieux que l'autre. Un était plus pieux que l'autre. Celui qui était plus pieux est décédé. Puis l'autre a vécu encore une année ou plus. Le prophète leur a dit, que dites-vous de ces deux gens-là? Ils ont dit, le premier est le meilleur, et ainsi de suite. Le prophète sallam a dit, ou plutôt un a fait un rêve, et il a vu que le deuxième avait une meilleure place chez Allah. Hassem a dit, pourquoi est-ce que vous étonnez? N'est-ce pas qu'il a jeûné en plus, Ramadan, et il a cité d'autres actions, les prières et autres. Donc ça montre que une année de plus qu'Allah t'a donné et t'as pu jeûner Ramadan, wallahi, c'est un trésor inestimable. C'est pour ça, à chaque fois que tu arrives à Ramadan, remercie énormément Allah Azza wa Jal, parce qu'il t'a donné vraiment un bien inestimable. Un bien inestimable. Et le prophète sallam disait aux compagnons, adorez votre Allah, votre Seigneur, ou adorez votre Seigneur, priez vos cinq prières, jeûnez votre mois, acquittez-vous de la zakat de vos biens, et or, obéissez à vos gouverneurs, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. En dehors du mois de Ramadan, celui qui jeûne 3 jours par mois aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Toute l'année, donc toute sa vie au final. Comme a dit le prophète dans le hadith d'Abdullah ibn Amr. Il a des récompenses particulières sur le jeûne des 6 jours de Shawwal, sur le jeûne de Ashura, de Arafat, et ainsi de suite. On laisse cela pour un autre entretien. Sa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuafiqana li kulli khayr. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللأحياء منهم والأموات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا يا رب العالمين اللهم عنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل لنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل لنا الموت راحة لنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا شكور يا غفور يا رحيم يا بر اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم ارزقنا يا رب العالمين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.